Overdrive on Radio Dio. Well, I remember it well. I was just about three. My dad said, son, what do you want to be? It didn't ring no bells, but I said, daddy, I'm a bit too young. What do you want from me? Raise a family. Yes, salut à tous, bienvenue dans Overdrive pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. C'était le groupe Extreme avec cet album Metal Meltdown, Pornography Live 25, enregistré sur le Hard Rock Casino de Las Vegas. Le groupe interprète le magnifique album Pornography en intégralité dans l'ordre de parution original, avec bien sûr parfois, comme vous l'avez entendu, des morceaux un petit peu rallongés. C'est tout simplement sublime, très très live dans l'enregistrement. Donc là, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de bande ou de quoi que ce soit de préenregistré. Le groupe est vraiment toujours au top de sa forme. Nuno Bettencourt fait des merveilles à la guitare, tout comme Gary Sharon au chant, et la partie basse batterie n'est pas en reste non plus. On continue ce soir dans Overdrive. Vous retrouverez encore du Priest et toujours du Priest. Ils seront la semaine prochaine, le 5 avril, à la Altony Garnier de Lyon. Ben, on peut pas louper ça, donc on y sera. Néanmoins, une archive est prévue sur le 895 de Dio pour ceux qui n'auront pas la chance d'être au concert, mais qui pourront quand même profiter de la musique qui pulse. Ce sera extrait de l'excellentissime dernier album Invisible Shield, qui, avec l'album précédent, était tout simplement inespéré de la part de Priest, ce point-là de leur carrière, de sortir des albums de cette qualité. On se délecte d'un Crown of Horns. Tout de suite, c'est Overdrive. Radio Dio sera enchaîné avec le dernier album de Saxon, qui effectuera une première partie de Luxe le 5 avril prochain du côté de la Altony Garnier de Lyon. Heavy is the crown of horns that kept the bait so Yes, on le rappelle, ce sera le 5 avril prochain, Judas Priest avec Saxon pour une date événement. On n'a pas vu ces groupes-là dans une salle aussi grande du côté de Lyon ou même de la France depuis tout simplement Mémoire de Métalleux. Voilà, on continue avec le programme maintenant d'Overdrive. Ce sera le groupe Lords of Black qui nous revient avec son dernier album sur le label Frontiers Records, du heavy metal traditionnel pour ce groupe qui avait vu Lords of Black quelques chanteurs importants, dont notamment le chanteur de Pretty Maids il y a ça quelques années, et aujourd'hui Ronnie Romero. On envoie ça tout de suite, c'est dans Overdrive, Radio Dio, Let the Nightmare Come. Yes, Lords of Black pour du heavy metal pur et dur. C'est 22h maintenant dans Overdrive Radio Duo. Il est temps de passer à du français avec Simakia pour ce label fantastique Aria Promotion qui nous sort ici du metal progressif à tendance un petit peu symphonique. On a ici une très belle production. Chaque morceau développe un petit peu une sorte de concept basé autour des étoiles et de différentes influences un peu spatiales. Sur le morceau dont on va diffuser, Lunar Obsession, on a ici un point de vue sur un discours de JFK devant le congrès américain qui date de 1961. La musique reste du heavy metal progressif, super bien exécuté, une très bonne production, c'est important dans ce style-là, sinon forcément ça sonne tout simplement petit. Simakia avec ce Project 11, The Landing, et ce sera le morceau Lunar Obsession. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Yes, et maintenant ce sera au tour de Slave of Imperium avec son album New Waves of Cynicism qui voit le jour sur MNO Music avec le morceau Open the Gates of Madness. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Was not a lie, a minus. Slaves of Imperium, tout de suite New Waves of Cynism et le morceau Open the Gates of Madness. C'est paru sur le label M&O Music. Rage, tout de suite les Allemands de Rage, les indéboulonnables Allemands de Heavy Trashisant, toujours emmenés par P.V. Wagner à la basse. Et Ushant nous reviennent avec ce double album de 86 minutes paru sur le label SPV Records. Donc on retrouve sur le premier album un côté un peu plus, on va dire, classique pour Rage, de gros riffs de guitare. Et bien entendu, on va dire, le style qu'ils ont fait depuis maintenant plus de 30 ans. Et ensuite, sur le deuxième album, plus progressif, plus symphonique également. Ils étaient un des premiers groupes au milieu des années 90 à mélanger le métal avec l'orchestre. Ils ont développé ça ensuite les années suivantes, avec plusieurs albums qui étaient dans cette veine-là. Et bah, c'est plutôt bien ficelé. On va s'écouter ça tout de suite avec déjà un morceau qui nous voit le groupe dans son côté le plus classique avec Under a Black Crown par l'album, sur l'album Afterlife de Rage. We'll Et on continue maintenant avec le groupe français Mind Like Project et ce morceau Cast a Shadow pour ce groupe actif depuis maintenant 25 ans. Try to free choses se préparent. Tout semble différent dans les regards. Maintenant, le monde entier peut voir notre légion. Nous sommes Yes, vous venez d'entendre Camelto avec Scotoma, sorti sur le label MNO Music, le morceau Légion pour Dieu, rock alternatif français. Et on continue avec le père Peter Tadgren de Hypocrisy et Pain, qui nous reviendra en cette année 2024 avec son dernier album. On a l'occasion en avant-première de se passer un premier single, et ce sera Go With The Flow. Tout de suite, j'attends cet album avec impatience. Le dernier doit remonter à quelque chose comme 2015. Et bah, c'était déjà un bon album de Pain. Go With The Flow. I can't see clear, but my mind don't mind. Rolling down the street, rolling down to downtown. I've been living in the past where we don't exist. Memories are shallow and they just don't mean shit. Go with the flow. Go Et maintenant, dans un style beaucoup plus, on va dire, viking metal, ce sera le groupe Hamfaird, sorti sur un Metal Blade Records, avec ce morceau, Wrecking, tout de suite. Vous écoutez toujours en Overdrive Radio Dio, il est maintenant 22h passé de 30 minutes. Thank you. Siberia, sorti sur MNO Music avec le morceau Violence pour un groupe de trash aux influences un petit peu diverses. Maintenant, on passe à du black metal d'influence voltairienne. Après, le groupe de Grenoble qui nous avait joué metal d'influence, black metal d'influence socratique. Ici, c'était Maillotiste. Ici, on a ce groupe Écrelin qui nous sort cet album Belluaire sur My Kingdom Music, qui voit le groupe inspiré de Voltaire. Voilà, il faut y faire attention à son jardin. Et ce sera le Tribunal de l'âme qu'on va écouter tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Let the materials of love Écrasons l'infâme, ce sera le tribunal de l'âme par ce groupe. Écrasons l'infâme, sorti sur Source Atone Records. On continue dans le black metal avec More et cet album sorti sur cette fois Les Acteurs de l'Ombre. Ce sera encore une fois du black metal avec le morceau Eden. We'll be right back. voilà, vous venez d'entendre More avec Aiden et on continue, on va se quitter sur le son de Riviera Paradise qui nous sort cet album Ready for More avec cette magnifique intro de guitare. Donc on rappelle le www.radiodio.org, on rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radiodio et les podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se dit à dans quelques semaines, il y aura Overdrive les trois prochaines émissions, néanmoins elles ne seront pas en direct, mais il s'agira d'archives puisque le vendredi soir c'est de la musique qui pulse tout simplement. Et on se dit la semaine prochaine, ce sera du côté de l'Altony Garnier avec le Priest et Saxon, un gros événement. Merci, ciao, bye bye. So tell me, on the things worth living for.